طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول في قسم باء من الدرس وتخلص على بارتي ب فكوفان المؤنث. فكوفان المؤنث en fait c'est la même chose que le ders précédent sauf que là ça va concerner le féminin. طيب اقرا محمد النص الاول هذا هذا من هؤلاء فتيات يا مريم من هؤلاء اخوتي لا هؤلاء من هؤلاء نساء الطوي قبل هذا كلا من هؤلاء الفتيات يا مريم كي sont ces jeunes filles au Mariam فتيات نعم جمع فتاة او فمينة جمع فتية بل فتية او فمينة كن جميلة جميلتي جميلاتي جميلاتي طيب هن c'est quoi هن un ضمير c'est le féminin de هم طيب c'est un ضمير غائب منفصل للغائب المؤنثة الجم طيب سان دومير سي لو فيمينا دو هم نعم وزميلاتي سي لو جم دو زميلا طيب سي بو فيمينا مؤنث كذلك نعم اخواتهن است كو سون دي سور نعم هن اخوات اخوات واخوات معلوف الجم دو اخت سي اخوات ام اخوات اخوات لا الأول أخوات من أبوهن كي leur père أبوهن شيخ الشيخ بلال أمهن Non. Leur père, c'est le cheikh Bilal, et leur mère est mon enseignante. Ah, Oustad, c'est enseignant? Non, Madame Darus. Où est leur maison? Madrasa. Et après, ça c'est quoi? Beytouhun. Après? Qarib minal madrasa. En plus, tu peux pas continuer. C'est quoi la terminaison, Kharib? Beytouhunna Qaribou. Boun. Qaribun. Tanouin. Une madrasati. Taïb. Donc, dans le jam, Muzakkar a pris deux. On a pris le jam taksir. C'est celui qui a une apparence qui diffère de son singulier. Par exemple, Rajoul, Rijal, Tawil, Tiwal. Taïb. On a pris aussi le deuxième sorte de jam. Pour le Muzakkar, c'est Jam Muzakkar Salim. C'est celui où on rajoute un waou et un nou à la fin. La salade muslim, muslimouna. Ça y est. Et le Jam Muzakkar Salim, il est khos et le Muzakkar. Il est propre au masculin. Là, on a pris son équivalent dans le féminin, qui est Jam, Jam el Mouannas Salim. Là, c'est quand on rajoute quoi à la fin? Un alif et un ta. Par exemple, tu dis muslimah, ça veut dire muslimatun. Le Jam, ça va être quoi? Muslimatun. Vous voyez, muslimatun. Il vient souvent après le son moufrat qui est un mot avec un thème arbota. Très très fortement, très couramment son pluriel c'est ça. C'est un alif et un ta. Vous voyez, il s'appelle Jam al-Mu'anas al-Salim. Non, c'est-à-dire que ça en fait son apparence du singulier reste, juste à la fin on ajoute un alif et un ta. Comme le Jam Muzakkar Salim, son apparence du singulier reste, juste on rajoute à la fin un waou et un nun. Taïeb. Yakoul Hawil al-Mumtada fil Jubal al-Atiyati la Jam kama wa muwaddih fil Mithal. Donc là on a des phrases au singulier, il faut les mettre en Jam. Mafalan Yakoul Hazihi bintun. Ça va être quoi le Jam? Haoulai benatun. Taïeb. Faites pareil que les autres phrases. Taïeb. El-Oula. Hazihi talibatun. Andak? هذه طالبة هؤلاء طالبات. نعم أحسنت. هذه مدرسة مدرسة. هؤلاء مدرسة. مدرسات. مدرسات. نعم. هذه طبيبة. هؤلاء طبيبات. نعم. هذه مسلمة. هؤلاء مسلمات. هذه زوجة. هؤلاء زوجات. هذه أخت. هؤلاء أخوات. Bien sûr, dans toutes ces phrases, l'ism shara est mubtada et l'ism d'après est khabar. Irji'a lawna. Al-an. طيب هذه فتاة. هؤلاء فتيات. نعم. هذه جديدة. هؤلاء جديدات. جديدة. لا. هؤلاء جدود. جدود. يا قد واو جدود. يا قد مد. نعم. لا فعرف جم تكسير. كم pour le muamal. كم pour le mudakar. للجم تكسير اللي ميكس. C'est mixte. Comme on dit, mutlaq. Naab. Tayyib, hadhihi kabiratun. Hadhihi haulai kibarun. Naam. Hadhihi saghiratun. Haulai. Si. Si. C'est quoi le pluriel de saghir? Mis kabir, kibar, saghir. Sighar. Naam. Hadhihi sighar. Haulai. هؤلاء صغار هؤلاء صغار. هذه طويلة. هؤلاء طوال. نعم مفهوم هذا. طيب يقول اقرأ واكتب ولي هذه الجملة الأولى. هؤلاء إخوتي وهؤلاء أخواتي. Donc eux sont mes frères et celles-ci sont mes sœurs. Je crois la dernière fois j'ai dit إخوة avec un alif. En fait il n'y a pas d'alif. Quand il m'avait demandé Abdelkader la différence entre إخوان ou إخوة. Je crois j'avais dit qu'إخوة il y avait un alif. Il n'y a pas d'alif à إخوة. Les Zakar. Non, ouais. Tu dis Ikhwatun, il n'y a pas d'alif. Par contre, Ikhwan, là il y a un alif. Ikhwan, là, là, ah ouais, Ikhwan. Ikhwan, ça c'est quoi? Jam de Akh. Ouais, mais c'était ça qu'on touchait. Ouais, mais je crois que j'avais dit qu'il y avait un alif, il n'y a pas d'alif. Ouais, ah, j'ai dit qu'il y avait un alif, il n'y a pas d'alif. Non. Donc il n'y a pas d'alif. Non, c'est Ikhwa, Mbachara. C'est Ikhwa, Mbachara. Et le alif est dans Ikhwan, là il y a un alif, après ouais. Le waouh. Bah c'est quoi le. Bah c'est ça? Non, moi j'ai dit qu'il y avait un alif à Ikhwa aussi. Là, je n'en ai pas. Ah, je crois que c'est à Ikhwa, mais c'est à Ikhwa. Haoula benatu mudarrisati. Qui sont ces jeunes filles? Celles-ci sont les filles de l'enseignante. Haoula al-fatiyatun zamilati. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Ces jeunes filles sont mes camarades. Leur père est un médecin. Et leur mère est enseignante. Aina talibatul judud. Zahabna il al maktabati. Où sont les nouvelles élèves? Elles sont parties à la bibliothèque. Donc regardez là, on a un anachée jadid. Zahabna. Vous voyez? Là, le noun, là, il s'appelle noun el niswa. C'est le mouanès de waou jama'a. Si elle était des hommes, on aurait dit Zahabou il al maktaba. Zahabna. Vous voyez, on dit Zahabna. C'est au passé, au mardi. Non, au mardi. Et ce Noun-là, c'est un Damir. Ça s'appelle Noun et Niswa. Ou Noun et Inès, comme je colle. Noun et Niswa. Et c'est un Damir. Vous voyez, c'est un Damir, donc c'est un Ism. Et c'est l'Ulfa'il. Comme moi, au Jama'a. C'est la même règle. Ta'al. Aya. Ismana. يا لعاب تعالوا نفس تعالوا نك نون النسوة. نعم نون النسوة. طيب donc tu dis هنا ذهبنا إلى كذا هنا جلسنا على كذا هنا فعلنا كذا كذا كذا طيب donc il est هنا وادمير لفاعل مثل ذهبت ذهبت ذهبنا فاعل طيب لفاعل طيب خامسا أين بناتك يا عمتي هن في المطبخ où sont tes filles ou ma tante Ammati c'est tante maternelle ou paternelle Ammati Ammati Ammati c'est maternelle non oui maternelle non c'est pas khala C'est tante paternelle khala c'est tante paternelle la maternelle non c'est tante paternelle non la sœur du père là c'est la sœur du père Unna fi al-matbakh elles sont dans la cuisine أهؤلاء الممرضات مسلمات نعم est-ce que ces infirmières sont des muslimates voyez نعم الممرضات ici de quoi infirmières de quoi il est badel نعم ce qui vient avec le folem après ismi shara hein non c'est muslimat ou le badel non la muslimat le khabar le khabar مبتدا هؤلاء خبر مسلمات طب تجي هؤلاء ماذا مسلمات طيب الممرضات يا فيك اكي الى هؤلاء يسوي مثل ما نشوف تولي دوفهم طيب سابعا هؤلاء طبيبات ازواجهن مدرسون دونك او يسون دي دكتور دي ميدسان دونك هؤلاء الى الى كوا نعم وطبيبات نعم أزواجهن مدرسون leurs époux sont des enseignants donc là أزواجهن il est quoi أزواجهن مبتدا ومضاف et هن أزواجهن مدرسون هو il est خبر et مضاف إليه نعم لا هن لا مضاف إليه on a oublié de le dire ouais هن c'est un damir متصل طيب c'est le féminin de هم donc il est toujours مضاف et par exemple tu dis كتابهم أي لرجال يعني كتابهن للنساء طيب هن صار ضمير متصل طيب للغائب الجمع المؤنث نعم في العربية يا الدروس نعم طيب ازواج مبتدا ومضاف هن مضاف اليه مدرسون خبر نعم مدرسون خبر هؤلاء الى مبتدا طبيبة خبر نعم الى بعض الترك ici لا juste خبر خبر فقط طيب maintenant on va se rappeler les damaïr le ghaib le muttasila on a dit le muzakkar hu kitabuhu طيب le muannath ha kitabuha le jam' al muzakkar hum kitabuhum wal jam' al muannath hunna kitabuhunna طيب طيب من هذه المرأة هي زوجة الطبيب الجديد كي هي cette femme طيب elle est l'épouse du nouveau médecin أبناتك في مدرستي الثانوية يا أسامة بعضهن في مدرستي الثانوية وبعضهن في مدرستي المتوسطة donc il dit est-ce que tes filles sont à l'école au collège au أسامة Il dit, il répond, Barduhunna, hey, Bard, ça veut dire certains. Certaines d'entre elles sont à l'école ou sont au collège, et certaines d'entre elles sont au lycée. Je crois en fait que nous avons cité, c'est le lycée, et Sanawiya, c'est le collège, chez nous. Et après, c'est le Jamia, ou après, ainsi de suite. Tayyib, Ashiran, hey, la talabilma. أبو قيوم ألك بنات يا ليلى؟ نعم لي بنات كبار هن طالبات بالجامعة. As-tu des grandes filles, ô Leïla? Naam. J'ai des grandes filles et elles sont étudiantes. Wa alaykoum as-salam. À l'université. Pour demander une question, par exemple, je vais te demander, toi tu as appelé Alaka. Je dis pas Indik. Tu peux dire Indaka Kaza. En question? Naam. Par exemple, je peux dire Indik. Indaka. Indaka Kalamun. Naam. Tayyib. On avait fait une précision, on avait distingué les deux. Ouais, en fait tu vas dire... Andaka, c'est pour ça. Tu vas pas dire Andaka par exemple pour une personne, un être vivant. Tu vas pas dire Andaka Akh. Tu vas dire Elaka Akhun. Ah. Vous voyez, c'est ça la différence. Par contre tu peux dire Elaka Kalamun. Mais en tout cas Andaka, tu l'emploies que pour les objets. Pas pour les êtres vivants, de ce que je sais. Non. Hadjata Achar. Man haoula nisa'u tiwalu. هن طبيبات من أمريكا. Qui sont ces grandes femmes? Alors, ces femmes grandes de taille, voyez, elles sont des médecins d'Amérique. Voyez. الطبيبات خرجن من المستشفى. Voyez. الطبيبات, les médecins sont sortis, et les médecins femmes bien sûr, sont sortis de l'hôpital. Regardez là, on a encore un histoire. Il est où? خرجن. Voyez, خرجن. Et tabibat ici, le cas Moutada. Moutada. C'est une phrase, c'est une jumla, c'est une ya. Elle commence par un ici. C'est pas la fiale, là. Si. Et alors? Ça, c'est pas la jumla de fiale, là. C'est quoi le premier mot de la phrase? Ah ouais. C'est un is ou c'est un fiale? C'est un is. Donc, c'est une jumla ismiya. Et c'est un moutada. Et khalajna, c'est le khabar. C'est pas un fiale. Si, c'est un fiale. Et cette jumla fiale, elle est khabar de tabibat. On va prendre les catégories de khabar, inshallah. Donc là, tabibat, c'est moutada. Naam. Kharajna, c'est... La jumla fi'liya, c'est-à-dire le fi'l avec le fa'il, ouais. Ils sont le khabar. Kharajna, c'est le fi'l. Kharaj, c'est le fi'l. Wana, c'est le fa'il. C'est le fa'il. Moustachfa, ça c'est... Jar, majour. Min, al-harf jar, moustachfa. Elle est où la kasra de moustachfa? Elle est pas allée... Elle est un truc, on la voit pas. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui change pas. Comment ça? Moustachfa, c'est les mots avec le alif là. Non. Eux, ils restent comme ils sont. Pourquoi? C'est quoi le sabab? Ah, le sabab. C'est des mots invariables. Là, c'est pas des mots même ni. Il est pas même dit. C'est parce que le alif n'accepte pas de haraka. Wa alaykoum salam. Il est pas même ni. C'est un ism maqsour. Voyez, mais il n'est pas bemni. C'est pas comme haoula, c'est une autre règle. Les noms qui ont un livre comme ça, comme maqsour, comme Isa, Moussa, Isa, Moustachfa, Faranfa, c'est des mots qui finissent en alif. Et le alif, tu as déjà vu un alif avec une haraka? Et toi? Donc il n'écrit pas de haraka, mais il n'est pas bemni. Voyez, il change pas dans tous les cas. Il change pas, mais c'est pas comme tu crois. C'est pas comme d'autres. Tu vois, ça vient là, Inch'Allah, ça aussi. طيب ثالثا اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. طيب maintenant on a des phrases au singulier avec des verbes. طيب il veut que vous les changez au pluriel. مثلا زينب خرجت من الفصل. السلام عليكم. طيب c'est devenu زينب وآمنة ومريم خرجنا من الفصل. C'est où elle a Hamad? Kharajat. Ce ta là, c'est quoi? Ta, kharajat, ta, taknis. Taknis, sakina, ahsant. Et c'est pas le fa'il. Le fa'il, il est moustatir. Donc, dirouhu, aïe, sont entendus, hiya, ça vient Zainab. Voyez? Donc, la première phrase. Elle est mudarrisatu, zahabat, il est le fasl. أي إلى الفصل المدرسات المدرسات يا معو تعال ابن القيم تعال سنبي يا ابن القيم أعطينا ابن القيم خذوه إلي هناك خلاص جابي نفسي جزاك الله خير اجلس تعال عندنا تدي كوا كفت المدرساتون لا المدرساتون الف ولام التنوين ابدا المدرسات فتديتون نعم المعرفة نعم المدرسات نعم ايوه المدرسات ابخي ذهب لا نعم الى الفصل نعم عندك حماد الطالبات الجديدة جلست في الفصل من هو بلوريال الطالبات انتبه الجديدة كما تبقى دير لا لا دم دو جديدة فايت كوا جديدة طالبات وفي البلوريال الجديدة جدود جدود الجدود الجدود الجدود يا باد مد الجدود نعم نعم الطالبة الجدود جدود جدود جلسنا في الفصل احسنت les nouvelles étudiantes sont assises dans la classe. بنت محمد ذهبت الى مدرستي بنات محمد ذهبنا الى مدرستي نعم les filles de Mohamed sont allées à l'école احسنت بنت محمد est-ce que je peux dire بنت محمد كيف لا لا ابدا اعطيني عليا معاويه معاويه ما شاء الله لعب جلس جزاك الله خير لا بنت محمد مضاف اليه مجرور وجوبا طبقت واحد طيب ربيعا اشير الاسماء التاليه باسم اشاره للقريب مضاف اليه المضاف اليه سي بنت تمام المضاف اليه اسم محمد سي اسمه لا سي جملة اسمية نعم في كمان صار بنات اللي مبتدا بنات اللي مبتدا الخبر ذهبنا الفعل الفاعل نعم جملة فعلية ذهب الناس الفعل الفاعل في فاعل نعم أشير إلى الأسماء التالية باسم إشارة قريب سواء هذا سواء هذه أو هؤلاء Donc là, devant chaque mot, vous devez mettre le ism ishara qui correspond. Yani, Moussa. Le 4. Achir al-asma al-taliyati. Par exemple, il dit akhi. Tu veux dire quoi, ism ishara? Ism ishara. Aïwa. Entre haza wa hadi wa haula. Tu veux mettre quoi? Haza. Taïb. Fahaza, lil bayt, li ghadi, inshallah. Wa. Pour demain, inshallah. Taïb. خامسا ضاف في الاماكن الخاليه من الجمل الاتيه ضميرا مناسبا هو هي هم او هن دونك لا maintenant on doit mettre un ضمير correspondant au mot qui est devant lui مثلا من هذا الرجل كيف تم تقول هو مدرسنا طيب الى ان c'est quoi le jam de ya mutakallim c'est un ضمير متصل متكلم الجم نحن طيب c'est notre enseignant C'est un damir muttasil, le mutakallim. C'est le jam de ya mutakallim. C'est le jam de ya mutakallim, c'est-à-dire mudarrisi. C'est-à-dire mudarrisuna. C'est un quoi? Damir muttasil. Non, damir muttasil mutakallim. Non, le jam. Dans les catégories qu'on a pris des damir, on a pris mutakallim, el ghaib ou el mukhatab. Donc là, mudarrisuna, il rentre un mutakallim. Ah, c'est-à-dire celui qui parle en fait. C'est Anna, Anna, Nahnu. Non, ça revient à Nahnu. Vous Nahnu. Non, il y a le Muttasil. Taïb. Aina al talibatu. Andek, Hamed, Mildamir, fil fasli. Aina al talibatu. C'est quoi le Damir qui correspond? Qui revient talibat? Talibatu, Yali Follem. Aina Talibatu. Talibatu, une femme. Là, on va dormir. Anam. Entre vous. Hunna, Arsent. Man haoula fetchatu. Fetchatu. Ya abna ou le motari. La fetchatu. J'ai pas dit fitiat. J'ai pas dit fatayat. Koutou, fitiatu. Fitiatu. Ndour. Ah, ouah. Pourquoi man haoulaï, haoulaï, man fitiatu, fitiatu. Hein? En plus, regarde un délire après. Abna ou le motari ici. Donc, c'est quoi? Naam. Hum. Hum. C'est le jam de Fata. Ah ouais? Hum. Hum. Naam. Hum. Pourquoi c'est hum? Parce que c'est un muzakkar. Man haoula abri, c'est ça. Aina talibatu al-jadida. Hum. Fil maktabati. Andak, Ahmed. Hunna. Ana? La. Aina talibatu al-jadida. هي هي مفرد لا هي في المكتبة هي طالبات جديدة لا هي في المكتبة نعم من هؤلاء الناس حجاج من الهند نعم هم حجاج من الهند أين الطبيبات الطبيبات في المستشفى في مستشفى الولادة هي طبيبات هن في مستشفى الولادة من هذا الولد الذي خرج من بيتك ابن أخي هو ابن أخي نعم هو من أين هؤلاء الضيوف دو سون سيفيتي هم نعم أكمل هم من رياض نعم يسون دو رياض من أين هؤلاء الممرضات من فيليبين هنا أحسنت من هذه الفتاة من هذه الفتاة الفتاة في لو فيمينان دو فتاة هي نعم هي بنت مدرستي أحسنت الفتاة أخوات طبيب طبيبة طبيب تقول جم طبيب طبيب طباب لا محمد جم طبيب طبيبات مذكر مذكر il est مذكر devant toi c'est pas moi qui le veux c'est il est مذكر طبيب طبيبون c'est pas طبيبات لا c'est مذكر c'est اطباء اطباء كبيرة عندك حمد كبيرة tu l'as pris tout à l'heure كبيرة c'est quoi le jam qui On a dit c'est un kibar ou Nam. Kibarun. Kibarun. C'est quoi le jam de Kabir? Kibar. Pai, Nam. Bint, quoi le jam? Kabiratun, il a dit ça. Ah, elle a dit. Non, moi j'ai envoyé quoi là? Ah, c'est pareil les deux. Kabira ou Kabir, les deux c'est Kibar. Non, mais moi j'ai dit Kabiratun. Non, t'as dit Kibar. C'est Kibar. T'as Bint. Ahmed. جمد بنت بنت C'est quoi le jam de bint? Donc il marche pour les deux. Non. C'est taxir. Non, c'est taxir. Bint Mohamed. Banat. Banat. Mouawiyah, la tour de Nas. Banat. Non, Banat. Zouj. زوج ما هو ما هو الجمع زواج زواج صار في المعيش زواج محمد ازواج ازواج نعم طويله جوار احسنت جديد اتلا فولي Hein? Il te l'a volé, il a volé ta réponse. Et même c'est faux, il a dit. Non, il a dit le vrai. Non? Jadid. Il a dit Judoud. Ah, t'as mis un med, donc faut pas mettre de med. Judoud. C'est Judoud. Tayyib. Muslima, Hendek Mohamed. Muslima, Atoun. Nam. Zawja. On a cru aujourd'hui le jam du Temar Bouta, c'est quoi? Zawja, Atoun. Jadida. أزواجون؟ لا زوجة. زوجة؟ زوجة. جديدة. جديدة. عندك محمد. جلود. نعم. طبيبة. ما نوع اللي مونس؟ لا. تمربوطة. طبيبة. طبيبة. طبيبات. نعم. أبديك التمربوطة. فهم فهم كم صار. L'origine c'est que c'est Jam Mouanef Salim. Mais des fois non. Par exemple, regarde Kabira, on n'a pas dit Kabira, on a dit Kibar. Tu vois, c'est pas catégorique. Mais c'est l'origine. Ou Al-Asl. Vous voyez Fatatun. Ah Fatatun. Aïe, ouais, Marbouta. Tu dis Tabibat, Fatat. Fatat, c'est Fatayat. Nam. Ach. Ach. Ustun. Achawad. Ach. Ikhwan. Ikhwan, ou Ikhwa. Et comme on dit, comme pour attraper la dernière fois, c'est Ikhwa, il n'y a pas d'alif. C'est Hamza, Kha, Waw, Telarbouta, Mouachara. Il n'y a pas d'alif. Ikhwatun. C'est pas le canta maftouh. Pêche. Regarde, Fatayatun, Jemi Anta. Fatayatun. Jem, Wana, Salim. Non, mais. Le ta. Où ça? C'est pas ce ta là. Il l'a. C'est ça? Allez, Fatayatun, Jem, Wana, Salim. Comme muslima, muslimat. Ahun, c'est. Tu connais pas le jam de Akh? La Abdullah Abdul Na'al. C'est Yahwan. Naam, Yahwan ou Yahwa. Oktun Akhwan. Je dis qu'elle est Oktun, c'est Akhwan. Naam. Bah Yahwan, Yahwan, fi. Aïwa, Yahwan, fi Alif. Yahwa, là. Donc, on a dit. Bah oui, il a tout. طيب بعد يقول أسماء الإشارات القريب donc là il fait un récapitulatif des أسماء إشارة pour ce qui est proche طيب مثلا هذا طالب donc هذا c'est pour c'est où qu'il y a ça après à la suite à le tableau là هذا اسم إشارة للمذكر المفرد القريب طيب صوت الجناس سيكوا هذه طالبات لك هذه اسم إشارة المفرد المؤنث القريب هذا اسم إشارة اسم إشارة مفرد مذكر قريب Tu prends juste Ismou Ishara. Mais là, Ismou Ishara. Moudakar, il est là, Et les Kharif, ça, tu vois, parce que déjà, il t'a mis déjà que tout ce qui est au niveau de la tête, que les Inch'Allah, les Kharif. Donc en fait, Hadha, Ismou Inch'Allah, les Kharif. Hadhi, Ismou Inch'Allah, les Kharif. Après là, il dit Mouanas Moudakar. Hadha, Moudakar Moufad. Hadhi, Moudakar Moufad. Toujours les Kharif. Ah, il dit Mouanas. Ah, il dit Mouanas. Et le pluriel c'est Haoula. Haoula'i. Ça y est, il est mixte. Il est Ismouchara. Et il s'emploie. Il s'emploie pour le Mouanas Moudakar. Tu dis Haoula Toulaboun ou Haoula Talibatu. Vous voyez? Pardon, je ne dirais pas Haoula. Peut-être que je peux dire Haoula. Non. Mais si tu veux, je ne peux pas dire Haoula. Là, tu veux dire Haoula. Payeb. Akalimat al-Jadida. Zouj. Payeb. Son djem, c'est Azouaj. Ah, de quoi? Zouj, c'est l'époux ou l'épouse. Pour Yel, Azouaj. Quel est le mec de Dida, vous savez pas? Après, Amra'a. Vous voyez? Et sans Alif Walem, tu dis Imra. Et avec Alif Walem, tu dis Al-Mar'a. Non, Mufrad. Attends, Al-Mar'a et sans Alif Walem, tu dis Imra. Avec un kasra sur le Hamza. C'est quoi le jam de Al-Mar'a? C'est quoi son jam? C'est quoi son jam? De Imra? Naam. Moi j'aurais dit Mar'atun. Hamed? Son jam? De Imra? Imra'atun. Et toi? Tu dis quoi? Mais non. Nisa. Le jam de Mura, c'est Nisa. Tout simplement. Et Imra, ça veut dire les femmes. Non, Imra, c'est la femme, et Nisa, les femmes. Ah, d'accord. C'est Nisa. Ah, yeah. C'est Nisa. Et c'est qui? Ah, ouais. Il est qui à côté? Il est devant vos yeux en plus. La réponse est devant vos yeux. Mra, jam, nisaoun. Ah ouais, on est trop vrai. Voyez, aujourd'hui on a pris quoi? On a pris le Damir Moutassil, Noun, Niswa. Aïe, Kharajna, Zahabna, Jalasna. Voyez, on a dit que c'était un Damir et c'est un Fa'il. Et on a pris quoi aussi? Damir Moutassil, il Ghaib, Al Jam, Al Mouannas, Hunna, Aïe, Kitab Hunna. Leur livre à elle. Damir Moutassil, l'accroché. Yes, c'est le féminin de Hum, Kitab Hum. La Hum, t'as dit l'accroché, comment ça? Moutassil. Kitab Hunna. Hunna Moutassil. Kitab Hunna, ouais. Hunna, c'est Damir Moutassil. Damir Moutassil. Mais, ouais, dans ce cas-là, ouais, il est accroché. Mais. Il est Moutassil? Hunna tout seul. Ah, là, on parlait du Moutassil. Muttasil. Ils ont la même apparence tous les deux. C'est comme Hum. Tu dis Hum Jaou, tu dis écoute Kitabu Hum. C'est un Ha avec un Mim. Ils ont la même apparence. Seulement le Munfasil, il est à part, et le Muttasil, il est accroché. Et bien c'est pareil Hunna. Après tu dis Aïna Nisa, tu as Hunna Kharajna Min El Fasil. Comme tu diras Kitabu Hunna. C'est un Ha avec un Hun. Ils ont la même apparence. Sauf que ton A il est attaché et l'autre il est détaché. Muttasil, Munfasil. Ma foumahala, Aïla Hunna. والحمد لله رب العالمين